Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ce qui est intéressant ici, quand on est donc tout en haut du Terri 110 à Oignies, c'est qu'on a vraiment une perception limpide, surtout quand il fait aussi beau qu'aujourd'hui, de ce qu'on appelle la chaîne des Terris. Partout où on se tourne, on a ces grandes montagnes de stériles, de schistes, de grès, et qui constituent en fait cette espèce de chaîne si singulière et si particulière. On voit bien aussi la forme différente qu'ils peuvent avoir. On en voit des coniques, on en voit des coniques tronquées, on en voit des tabulaires, et partout où on tourne le regard, on voit aussi d'autres symboles qui sont moins nombreux aujourd'hui dans le bassin minier. On les a tous conservés, sont tous inscrits aujourd'hui au titre des monuments historiques et dans le périmètre du patrimoine mondial, que ce sont les chevalements, qui sont ces dispositifs finalement qui permettaient la montée et la descente des cages dans les puits. Il en reste 21, voilà, ils sont tous aujourd'hui protégés. Gilles Briand, urbaniste. En gros, ici, sous le site du 99 bis, vous avez à peu près un réseau équivalent à celui du métro parisien. Ça permet de donner une petite idée. On a exploité ici 100 000 km de galeries. Ça fait 2 fois 1 000 le tour de la Terre. C'est-à-dire qu'on a creusé à plein d'étages différents. Donc ici, on descendait jusqu'à 800 mètres à peu près. Et on avait plusieurs niveaux d'exploitation. Donc effectivement, on a plus du tout cette perception du sous-sol. Et on ne se rend pas compte de ce que ça a pu être, effectivement, comme organisation complètement, j'allais dire pharaonique, mais... Là, quand on est ici et qu'on voit la cité minière qui est en face de nous, on a des vrais modèles d'urbanisme, parce que pour les compagnies minières privées, c'était important de fixer les populations. Et donc, c'était important de leur offrir des conditions d'habitat qui soient des conditions d'habitat de qualité. Vous avez symboliquement aussi la cité qui est tournée vers le carreau de fosse. Regardez la qualité d'alignement. Il y avait un vrai souci de la qualité architecturale. Toutes les compagnies minières étaient très très concurrentielles les unes avec les autres. Quand vous regardez le territoire du bassin minier, loin du cliché de au nord c'était les corons, vous avez une très grande diversité architecturale. Vous avez aujourd'hui encore un peu plus de 500 cités, vous avez plus de 800 types de logements dans ces cités. Ça n'enlève rien au caractère de l'exploitation des hommes, etc., etc., au paternalisme bien intéressé, bien sûr. Au fond de la mine, Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet. Sur le mineur pèse une emprise toute puissante, incessamment présente, celle de la compagnie. En fonction de la vieille loi du 21 avril 1810, l'exploitation minière se trouve partagée entre un certain nombre de riches sociétés financières. Archivina. Compagnie de Lens, compagnie de Guévin, compagnie d'Anzin, compagnie de Courrières, etc. Janvier 1973. C'est aux compagnies qu'appartiennent les puits et leurs installations. Elle possède le sol, les maisons, les jardins, les écoles, les dispensaires et les églises. C'est vers les années 1750 qu'on a commencé dans le nord de la France à creuser des petites mines comme ça. Et puis, progressivement, dans cette région, c'est devenu quelque chose qui était exploité de manière beaucoup plus organisée. Et ça s'organise surtout au début du 19e siècle. Mais ça commence quand même des petites mines dans le terrain d'un château, dans le domaine d'un château. On trouve du charbon, donc on creuse, et puis ça commence comme ça, de manière très artisanale. Diana Cooper, historienne. Quand l'exploitation devient plus importante, quand on découvre qu'il y a des ressources, ça commence à devenir une compagnie qui peut devenir à la fin une société anonyme. Donc ça se développe de manière capitalistique à partir de petites mines qui peuvent être juste des mines familiales. Et c'est toujours très localisé. C'est-à-dire que la compagnie va se trouver dans un village ou dans une petite ville ou aux alentours. Et puis les ouvriers, ce sont des paysans que l'on va recruter tout autour, et pendant très longtemps, ils vont mener une double vie. La double vie, ça va être de continuer à travailler à la ferme quand on a fini le travail à la mine, et donc faire des doubles journées. Et pendant longtemps, on parle de paysan mineur ou de mineur paysan. Parce qu'ils résistent, c'est un rythme qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le travail industriel. La vie à la campagne est difficile, donc on leur propose un salaire. Ils ont le sentiment que peut-être que ça va dans le sens d'une vie meilleure. On leur fait miroiter pas mal de choses. Puis progressivement, on va leur construire des logements. Donc ces logements, c'est plus confortable que les maisons à la campagne. Si je regarde un endroit, une toute petite mine du centre de la France que je connais bien, qui s'appelle La Machine dans la Nièvre, longtemps, les mineurs habitaient des maisons en terre battue sur le sol, avec des toits en chaume, et puis on leur propose des petits corons, des petites maisons avec un petit confort, un jardinet, avec une porcherie pour élever un cochon, avec un colombier pour élever leurs pigeons. Et donc, ils sont attirés par ça, c'est évident. Puis, il y a quand même un salaire qui tombe. Et puis, les copains y vont. Donc, un milieu secret, toujours fermé. Par exemple, la mine de La Machine, elle est particulièrement fermée sur elle-même. Elle est complètement au milieu de la forêt. Et elle va durer jusque dans les années 70. La plupart, en effet, des espaces miniers sont des espaces ruraux, en fait. Et donc, les ouvriers sont des paysans. Et donc, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent à la mine, et puis dès que les champs ont besoin d'eux, ils retournent aux champs. Judith Reynard, historienne. Ça va pas du tout pour la productivité d'une entreprise minière. Et donc, il faut absolument fixer la main-d'œuvre. Il faut des gens qui soient mineurs à plein temps. Et plus des gens qui vont et viennent, en quelque sorte, entre deux activités, ce qui désorganise complètement le travail de la mine, et ce qui empêche, en fait, sa forte productivité. Donc, ça, c'est vraiment tout le travail du 19e siècle qui se fait grâce à cette immense entreprise de paternalisme, c'est-à-dire d'enveloppement, en quelque sorte, de la population dans un réseau, on va dire, d'avantages, très clairement, en matière de logement, en matière de prise en charge sanitaire et en matière de salaire. Mais aussi en termes de contrôle aussi. Mais aussi en termes de contrôle, absolument, pour garder la population, pour s'assurer, en fait, une main-d'œuvre qui est une main-d'œuvre pérenne. La tutelle de la compagnie se veut paternelle. Elle loge le mineur, assure son chauffage, éduque ses enfants, soigne ses malades, contribue à la constitution des caisses de secours et de retraite. Elle entend cependant rester maîtresse absolue des bénéfices de ses actionnaires, et ceux-ci sont considérables. Elle entend surtout rester maîtresse absolue du destin de ceux qui travaillent pour elle. Les mines, une histoire du paternalisme. Alors sur la carte, les points rouges, c'est ce que j'appelle les villes-usines. C'est-à-dire, c'est toutes les villes qui sont nées de l'industrie ou de la mine, en fait. Donc, c'était un village avant où il y avait quasiment rien. Une mine s'ouvre, une usine s'installe, et puis on est obligé de construire des cités ouvrières. Simon Edelblut, géographe. Au départ, c'est essentiellement pragmatique. Et puis, évidemment, un ouvrier, ça fait pas que, ou un mineur, ça fait pas que travailler ou dormir. Il faut aussi ensuite rajouter des écoles, des crèches, des coopératives, donc des magasins, en fait, une piscine, pourquoi pas, une bibliothèque. Enfin, il y a plein de services qui peuvent être construits. Des infrastructures pour que les gens puissent vivre, tout simplement. Alors, ça va plus ou moins loin en fonction de la volonté des patrons, en fonction de l'époque aussi. Mais parfois, il y a des systèmes industriels paternalistes qui sont très complets. Il peut y avoir une piscine, il peut y avoir un stade, il peut y avoir des choses comme ça, quoi. Si je dis industriel paternaliste, c'est pour faire référence donc à cette période industrielle, je dirais quasiment du 18e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Ça a fonctionné à peu près comme ça jusque dans les années 1950-1960. Et le paternalisme, le mot vient du fait que le patron se comporte un peu. Alors, on dit le patron, c'est un peu péjoratif. L'industriel se comporte un peu comme un père vis-à-vis de ses ouvriers. Donc, avec l'autorité positive et négative, c'est-à-dire positive parce qu'il va subvenir aux besoins des ouvriers, finalement c'est lui qui les paye, et puis il leur assure le logement, il leur assure certains loisirs, l'éducation des enfants, etc. Mais avec un côté négatif aussi, parce qu'il justement il contrôle la main-d'œuvre. Si par exemple vous aviez des problèmes au travail, je sais pas, vous syndiquiez, le patron était pas content, etc. Non seulement vous pouviez perdre votre travail, mais vous pouviez perdre votre logement aussi. Donc c'était une manière de contrôler. Donc un père c'est comme ça, il a le côté positif, il assure la subsistance de l'enfant. Mais en même temps, il le contrôle aussi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça paternalisme, en fait. Sous la domination des compagnies, la cohésion de la population minière ne cesse de se renforcer. Isolés dans ses corons, liés de père en fils à la même peine, exposés aux mêmes dangers, le peuple des mineurs forme une communauté solidement unie. Plus que partout ailleurs, on y apprend la grande loi de la solidarité. Là-bas, c'était monsieur, madame Lagrand, qu'ils habitaient là. Louis Bembenek, ancien mineur. Au-dessus, monsieur et madame Daïfi. Mani, dans le nord, compagnie des mines d'Aniche. Alors là, sur la gauche, il y a monsieur, madame Derenecourt, qu'ils habitaient là. Au-dessus, c'est monsieur, madame Cossu. Parce que tout le monde se connaissait, hein. Tout le monde se connaissait. Toute cette cité ici, il y a à peu près 250 logements. Bon, il y en a encore une dizaine de mineurs vivants, puis il y a les veuves de mineurs. Si vous voulez, on va jusqu'au coin, là. Voilà, à l'endroit où on est, ça a été construit après la Deuxième Guerre mondiale. Au moment de la nationalisation et avec le statut du mineur, les charbonnages ont construit des logements décents. Pourquoi ? Parce qu'avant la nationalisation... Avant, c'était dans les corons. Dans les cités minières, bah, c'était des logements assez restreints. Les gens vivaient assez serrés. Bien souvent, dans une maison, il y avait ce qu'on appelait deux ménages. J'ai vécu ça au début de... quand j'étais môme, quoi. Je suis fils d'émigré. Mes grands-parents paternels sont venus de Pologne. Et mes grands-parents maternels, c'était des Polonais, mais qu'ils avaient déjà exilé en Allemagne, dans les mines d'Allemagne, et qui sont venus... ici aussi dans les années 20, quoi. Mes parents se sont mariés en 1937. Moi, je suis venu au monde en 38, donc j'ai 84 ans. Malheureusement, mon père était tué à la mine en 42. J'avais 4 ans. Et ma mère a toujours habité en deux, ce qu'on appelait à deux ménages. Ma mère travaillait, malheureusement, elle travaillait en filature, comme beaucoup de femmes et de jeunes filles ici de la région. Alors, elle se levait à 4h au matin, puis elle rentrait aux 8h au soir, du lundi au vendredi. Alors, j'en avais marre de l'avoir comme ça. Je me suis embauché à son insu à la mine. J'avais 16 ans. Je lui ai dit, bon, bah, au moins, tu restes à la maison, puis je vais travailler. Donc, bien sûr, au début, elle ne voulait pas. Elle dit, bah, non, elle dit, ton père, dit, je t'ai fait tuer, je ne veux pas que tu ailles à la mine, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Alors vous habitez ici depuis combien de temps dans cette maison ? Alors j'ai d'abord habité avec ma mère, je me suis marié, j'étais jeune. D'abord j'ai habité un an, pendant un an et demi avec mes beaux-parents. Ensuite j'ai eu une maison commune, vous voyez, les petites maisons, c'était en 62. Donc il y avait une grande pièce, une cuisine et une chambre. Et puis les toilettes, quoi. J'ai habité là jusqu'en 72. Après on a eu un enfant. C'était plus assez grand, donc j'ai demandé un autre logement, et j'ai eu ce logement ici. On s'est invité, ne serait-ce que pour un coup, faire une partie de cartes ou discuter dans les cafés, il y avait la télévision, donc on y allait, surtout pour voir les matchs de foot. Alors c'était, tout le monde était installé, les cafetiers mettaient des bancs, on s'installait, puis allait regarder les matchs de foot, quoi. Quand il y avait un malheur dans une famille ou bien quoi, ben tout, les voisins, tout le monde se réunissait et puis on donnait un coup de main, mais même comme ça. Avec mon petit jardin, paradis d'illusions, dire bonjour aux voisins qui guettent ses pigeons, ramasser son journal et lire les nouvelles, ailleurs quand ça va mal, notre vie paraît plus belle. Je vis dans les corons, à l'ombre des terrils. Y a pas plus heureux que moi dans ce noir pays, dans ce noir pays qu'est mon pays. En fait, ces compagnies, elles ont installé leurs puits et leurs fosses, en général dans des zones où il y avait rien. Des villes comme Lens, par exemple, comme Béthune, existent déjà, mais plein de petites villes n'existent pas ou sont des hameaux. Donc ces compagnies, elles vont d'abord pouvoir retenir les ouvriers, tout simplement en jouant, si j'ose dire, enfin en prenant la place que ni l'État ni les municipalités ne sont alors en mesure de prendre. Marion Fontaine, historienne. Donc c'est-à-dire d'abord construire des logements Si vous concentrez 100, 200, 300, 400 mineurs dans une fosse, faut bien les mettre quelque part. Donc en les logeant. Et ensuite, en développant en quelque sorte des services publics qui puissent permettre à ces ouvriers de pouvoir acheter de la nourriture à meilleur marché, d'être soignés, etc., etc. À Lens, par exemple, vous avez tout en double. C'est-à-dire qu'au centre-ville, c'est la municipalité ouvrière, socialiste et syndicaliste qui gère. Et dans les cités, c'est les compagnies. Donc, il y a les écoles publiques, laïques du centre-ville. Il y a les écoles privées des compagnies. Il y a le médecin du centre-ville. Il y a les médecins des compagnies. Il y a les clubs sportifs de la municipalité ouvrière. Il y a les clubs sportifs des compagnies. Et c'est immense. Enfin, toujours pour reprendre l'exemple de Lens, la compagnie possède, au sortir de la Première Guerre mondiale, je dis bien possède juridiquement, 2/3 du territoire communal. Donc c'est à la fois des systèmes dont ces mineurs vont bénéficier, si j'ose dire, et à dire vrai, il vaut mieux, si on ne prend pas en compte la dangerosité du métier, mais en termes de vie quotidienne, dans les années 1870-1880, il vaut mieux être un mineur qu'un ouvrier du textile à Lille-Roubaix ou Tourcoing, qui vit dans 10 mètres carrés. Mais cette protection, elle a un coût, elle a un prix énorme. C'est-à-dire qu'elle rend les ouvriers extrêmement dépendants de ces largesses patronales, c'est le but, et par ailleurs extrêmement soumis à l'arbitraire patronal. Société des mines de Lens, 1924. Règlement concernant les maisons appartenant à la société, leur attribution, leur retrait, les conditions d'occupation, la police, etc. Article 1er, les maisons de la Société des Mines de Lens ne sont occupées que sur autorisation du directeur ou des ingénieurs ayant pouvoir à cet effet et après remise des clés par le garde de la cité. Là, vous avez déjà un certain nombre d'acteurs très importants. Bastien Cabot, docteur en histoire contemporaine. Le directeur, évidemment. La mention seule du directeur implique déjà qu'on a changé de forme d'entreprise, en fait. C'est-à-dire que ce n'est plus le paternalisme classique des années 1870, où vous avez le patron qui est présent sur place et qui exerce son autorité morale directe devant les ouvriers. Tout ça a été remplacé à la faveur de la dépression des années 1880-1890, où les formes mêmes du capital sont transformées, et donc on a des conseils d'administration qui désignent des directeurs généraux, qui eux-mêmes désignent des ingénieurs, etc., etc. Donc l'ingénieur est évidemment un personnage clé de ce paternalisme minier, et puis il y a le garde. Le garde, c'est celui qui patrouille dans les cités, qui vérifie que tout va bien, et qui rédige des rapports pour le directeur. Article 2, les maisons de la Société des Mines de Lens ne sont occupées par son personnel qu'autant qu'il ne quitte pas son service ou n'en est pas renvoyé. La rétribution à laquelle il est tenu en raison de son logement, et qui peut être différente pour chaque maison, n'est pas considérée comme un loyer, mais comme une indemnité correspondante aux charges générales de la société pour chaque immeuble. L'ouvrier peut s'en prévaloir pour se considérer comme locataire. On voit bien en fait qu'on attribue des maisons qu'à ceux qui travaillent pour la compagnie. La hantise des mineurs, d'ailleurs, c'est peut-être moins de se faire renvoyer de son poste que du coup se faire renvoyer de sa maison. Moi, mes grands-parents, quand ils sont arrivés en 28, on leur a fourni la table, les chaises, les lits, quoi, les lits, son mère, mais c'était estampillé avec un numéro. Quand mes grands-parents sont morts, j'ai récupéré, il y a le numéro sur la table de l'acquisition. Patrick Garcia, ancien mineur de Carmaux, dans le Tarn. Par contre, ils payaient un loyer, quoi. Et par qui vos grands-parents ont été recrutés alors ? Par quelle famille ? C'était le marquis de Solages qui avait envoyé des recruteurs en Espagne, en Asturie, pour pouvoir venir. Et ils ont alléché les femmes avec ça. Ils sont arrivés 30 familles du même bled, à côté d'Obiedo, Mieje. C'était tous des mineurs et ils sont arrivés, ils ont fait un train d'Espagne, ils sont arrivés à Carmaux et ils les ont logés aux Bruyères. Et les Bruyères, c'est les corons, quoi. Deux jours après, toutes les femmes de cette trentaine de filles sont descendues voir le directeur, parce que c'était le directeur Pérez, et ils ont bousculé, et ils ne sont pas partis tant qu'on ne leur a pas donné des logements qu'on leur avait promis, qui étaient à Fontgrande. C'est pour ça que, d'ailleurs, mes grands-parents, mes oncles, parce que bon, tout le monde vivait, c'est ma tante qui l'a pris, jusqu'à la mort de ma tante, ils ont habité à Fontgrande. Et moi, quand on était petit, je connais la cité pour ça, quoi. Mais moi, j'étais dans une cité dite de pauvres, ailleurs. Le marquis de Solages, il a investi sur les autres générations. Mon grand-père, ils étaient 14 gosses, dont 7 mineurs, ça a fait, hein, et les femmes de mineurs. En plus, ce qu'il y a, c'est que les filles, elles allaient à l'école primaire, et après, elles allaient, comment on appelait ça, pour être bonnes femmes de mineurs. Les cours ménagers. Ce qui est important, c'est que il faut que la femme soit toujours présente. C'était presque une obligation de la compagnie minière qui disait que les femmes, il fallait qu'elles soient à la maison, que s'il arrivait quelque chose, elles pouvaient avertir. Et elles étaient formées. Moi, il y avait 5 filles du côté de ma mère. Les 5 sont allées être bonnes femmes de mineurs. Aujourd'hui, nous allons étudier comment nourrir notre famille. En titre, vous écrivez « Bien nourrir notre famille ». Nos jeunes filles, femmes de demain, Musée de Leeward, 1956. Nous, centre ménager, il y a toute une formation, on pourrait dire, d'ordre humaine, d'ordre psychologique, qui est importante. Mais l'idéal à l'époque, c'était rendre la vie à la maison agréable, avec des épouses, j'allais dire, capables d'assurer une bonne sérénité, une bonne entente, avec des enfants bien élevés, bien nourrie. On se rendait pas compte qu'on nous mettait dans les normes pour être femme de mineur. Tout était programmé, mais on n'en avait pas conscience. Comme on n'avait pas conscience de tout le reste et puis de toute la vie qui était déjà programmée. Hein. On ne savait pas. Hein. Le fait d'être enfermé complètement dans la cité, on ne s'en rendait pas compte non plus. Les femmes, par exemple, le contrôle, il est tous les jours. Diana Cooper. Et les femmes, elles ont un rythme qui leur est imposé par la plupart des compagnies, c'est-à-dire que, par exemple, le mardi, elles doivent laver devant chez elles. Alors donc, elles sortent tous avec le balai brosse, l'eau, et elles lavent devant chez elles la rue qui est devant les corons. Le jeudi, elles doivent faire le pain. Tout le monde fait le pain pour la semaine. Et les femmes jouent un rôle important dans le contrôle social parce que elles sont celles qui permettent aux travailleurs d'aller travailler. Bruet en Artois, 4 heures du matin. Elles sont levées les premières. Elles allument le poêle. Elles préparent ce qu'on appelle le briquet, c'est-à-dire le petit casse-croûte que les différents membres de la famille emmènent pour travailler au fond, pour se nourrir. Ensuite, elles préparent le reste de la journée. À la cité 14, rue de la Comté, Archivina, il y a de la lumière. Décembre 1958. C'est Gisèle Flahaut, la mère de famille, qui est déjà levée. Il faut qu'elles aient une belle maison, parce qu'il faut qu'elles soient des femmes exemplaires. Ensuite, quand les hommes reviennent, les fils et les maris, eh bien, elles ont préparé le baquet d'eau chaude. Ça veut dire qu'elles sont allées chercher l'eau, elles l'ont fait chauffer, elles le mettent dans le baquet. Ensuite, elles les frottent. Ensuite, elles font le repas. Roger ? Oui. Maintenant, il doit être 4h30 puisque Madame Flahaut vient d'appeler Roger. Et donc, elles sont vraiment, je dirais, les personnes sur lesquelles les compagnies peuvent vraiment compter pour que ça fonctionne. Sans les femmes de mineurs, ça ne marche pas. Et on dit toujours femme de mineur, femme de seigneur. Parce que le mineur, c'est le seigneur, mais s'il n'a pas sa femme, il n'existe pas. Roger a 15 ans. Il travaille au fond depuis 2 ans. Il est galibot. Quoi ? Merci. Alors, t'as monté de bonheur à midi ? Oh, bah, tu sais, aujourd'hui est samedi, hein. Puis quand on a faire un tal. Enfin, vers 1h, 1h30, serait l'autre. Les femmes, c'est elles qui tiennent les cordons de la bourse. Quand le mineur rentre, il donne sa paye à sa femme. Elle lui donne de l'argent ensuite pour aller au café. Et donc, elle contrôle toute la vie de la famille. Et pour que ça marche, pour que tout le monde puisse manger, pour que tout le monde puisse dormir, tout le monde puisse se loger, ça s'appuie sur elle. On parle de quelle année, là ? Deuxième moitié du 19e siècle, jusqu'à la fin des mines. On était en mono-industrie, hein, mais la mono-industrie très forte avec un patronat vraiment présent, quoi. Un peu plus loin, il y a la place du marché, et il y avait tout, boucherie, la coop, mais tout ça, ça appartenait à la mine, quoi. C'était tout au taxi. Celui-là qui a fait le plus, c'est le directeur Pérez. Hein, il y avait le marquis de Solages qui était l'institution, mais c'est le directeur Pérez qui venait, soi-disant, à cheval pour voir si la cité était propre et tout ça. Par contre, moi, mon grand-père m'a dit souvent qu'ils avaient des amendes parce qu'ils négligeaient un peu le jardin et ils se faisaient taper un peu sur les doigts. Il y avait quelques amendes qui voilà. Article 16. Le garde peut visiter toutes les maisons de sa circonscription sans que les occupants puissent lui interdire l'entrée. S'assurer de l'état de propreté des maisons et de l'observation des prescriptions du présent règlement. Il signalera au service de l'entretien les réparations qu'il y aura lieu d'exécuter, etc. Et donc vous avez, dans la mesure où ce sont des propriétés des compagnies, les compagnies qui peuvent intervenir par l'intermédiaire du garde à n'importe quel moment dans les maisons pour vérifier que tout va bien. Moi je dirais qu'il faut se méfier de tout le monde en fait. Pour les mineurs et leurs familles, il faut être vigilant tout le temps, il faut être vigilant en permanence. Les porions contrôlent, il peut y avoir des porions gentils, mais enfin les porions contrôlent, les ingénieurs contrôlent, même s'il y a des ingénieurs qui sont très humains. Dans certains bassins, comme à Carmo, dans le Tarn, la compagnie par exemple les oblige à être baptisés, à aller à la messe, tout ça c'est contrôlé. Les écoles dans les bassins sont souvent des écoles religieuses. Le plus souvent, au départ, ce sont des écoles religieuses. Et donc, si on ne montre pas patte blanche, c'est pas très bien. Si on n'est pas marié avec sa compagne, c'est pas bien. Le contrôle, il s'exerce aussi de manière, je dirais, plus intelligente. C'est-à-dire que les compagnies ont créé toutes sortes d'associations pour un peu civiliser les mineurs. Alors, il y a des sociétés qui leur apprennent à cultiver leur jardin. Donc on leur apprend toutes sortes de choses pour avoir des légumes, mais aussi c'est un complément de salaire que d'avoir des légumes dans son jardin. De la même façon que d'avoir un cochon dans sa porcherie, c'est un complément de salaire. Et puis il y a tout ce qui concerne les activités, je dirais, que eux appellent de loisirs, les fanfares. Les fanfares, c'est très très important. Les harmonies, les fanfares, c'est très important dans le milieu minier. Ça permet à un certain nombre de mineurs d'apprendre la musique, d'apprendre à jouer d'un instrument. Ça leur permet aussi de voyager parce qu'ils font des concours. Ils vont représenter leur bassin dans différentes régions. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est une espèce d'élite aussi, ça. Mais ça permet de les contrôler. Ça permet de leur éviter d'avoir des activités syndicales. Donc de les occuper. Oui, ça leur évite d'aller trop souvent au café, à l'estaminet. Donc là, c'est une manière de contrôler. Alors, évidemment, il n'y a pas que le bâton. Il y a aussi la carotte. Bastien Cabot. Puisque les compagnies créent des concours de fenêtres fleuries, créent des concours de jardinage. Il y a à Lens, vers 1900, l'élection annuelle de ce qu'ils appellent la muse noire, qui est en fait une sorte de Miss Mine, recrutée parmi les jeunes filles de la cité. Donc il y a aussi tout un ensemble d'incitations à se sentir membre de l'entreprise. Pour éviter de se sentir membre d'autres choses, c'est-à-dire de la classe ouvrière ou de la citoyenneté républicaine qui est en train de voter des lois sociales, contre lesquels, justement, s'est érigé le paternalisme, puisque le paternalisme s'érige toujours contre l'État social. Il veut être maître en son domaine, donc éviter l'intrusion des lois, en fait. Éviter l'intrusion de toute forme de normes qui lui seraient préjudiciables, sans pour autant répéter les excès du factory system des années 1830-1840, où les enfants travaillaient dès 5 ans, où vous aviez des cas de rachitisme, etc., parmi la main-d'œuvre, où les femmes venaient travailler enceintes, etc. L'idée, c'est pas de reproduire les excès du factory system anglais. Par contre, c'est pas non plus de voir l'État intervenir dans les relations de travail. Donc pour ça, on crée un domaine. On crée un domaine qui est le domaine du paternalisme industriel, dans lequel on cherche à tenir à distance autant que possible toute intervention de la cité, en fait. Toute intervention du politique, toute intervention de l'État, toute intervention du syndicalisme, toute intervention, voilà, de forme de régulation du travail, en fait. Ce que les syndicats miniers qui apparaissent très tôt vont contester, c'est pas tellement Marion Fontaine. L'existence de ces logements, de cette protection sociale, c'est qu'ils vont demander que ce soit les ouvriers eux-mêmes qui en assurent la gestion. C'est-à-dire, ou que ce soit l'État, au minimum, ça peut dépendre. C'est-à-dire que, pour finir, ce système, évidemment, parce qu'ils considèrent qu'il est juste, étant donné, encore une fois, la dangerosité et la dureté du métier, que les mineurs bénéficient d'une protection sociale, que les mineurs aient des logements, etc. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ça ne dépende pas de la vie de l'ingénieur ou du directeur du coin, qui va vous demander si vous êtes catholique ou pas, si vous êtes socialiste ou pas, si vous vivez en concubinage ou pas, etc., etc., mais que ça fasse l'objet de règles générales et universelles. C'est comme ça que, pour prendre cet exemple, les premiers systèmes de retraite et de protection sociale qui sont initiés par les compagnies paternalistes, entre la fin du 19e et le début du 20e, les mineurs vont obtenir de lois qui va faire que ce régime de protection sociale va faire l'objet d'une régulation nationale et va être géré désormais, ça se termine en 1914, de manière paritaire entre les représentants des compagnies et les représentants des syndicats. Ça veut dire que avant les conventions collectives, avant que la liberté, enfin, le droit syndical existe tout à fait dans les entreprises, bien avant, évidemment, la généralisation de l'État-providence en 1945, en 1914, les mineurs font partie des rares catégories professionnelles en France à avoir leur système de protection sociale. Et ils ont obtenu qu'ils ne soient plus sous l'emprise paternaliste, mais qu'ils soient gérés par eux. La retraite minière est créée en 1894 et petit à petit, des caisses de secours prennent en charge les soins. INA, la caisse autonome, est créée dès 1914. Janvier 2003. Des avancées sociales liées à la pénibilité du travail et à la nécessaire pérennité de l'activité. Après la Seconde Guerre mondiale, la bataille du charbon doit relever la France. Les mineurs assument la mission, mais demandent des compensations. INA, mai 1945. Les houillères sont nationalisées, exposait hier M. Lacoste. L'État exploite lui-même les houillères dans l'intérêt exclusif de la nation et non au profit de particuliers. Pour y parvenir, il prend possession de toutes les installations nécessaires. À la tête du système, des mandataires de la nation exercent toutes les fonctions. Ainsi, une première industrie clé, le charbon, doit quitter le cycle de l'intérêt privé pour entrer totalement dans celui de l'intérêt public. Il est nécessaire, dans notre effort de rénovation, que le charbon, source principale de l'énergie, s'insère directement dans le domaine de la nation. D'autre part, l'ouvrier, l'ingénieur, qui n'avait jusqu'ici aucun droit dans l'entreprise qui les employait, deviendrait les éléments conscients et actifs de la vie de leur mine. Producteurs, ils participeraient à la gestion de leurs entreprises et à la direction de leur industrie. La nationalisation et le statut des mineurs ont permis que les mineurs gagnent 20% de plus que la moyenne des salaires de la métallurgie parisienne et, en ce qui concerne ceux du fonds, 42%. Mai 1946. Et le régime de sécurité sociale minière, particulièrement pour eux, où, disons, nous avons eu pratiquement la gratuité des soins, des produits pharmaceutiques et l'hospitalisation, enfin, toute la protection sanitaire gratuite. Le rêve de la mine aux mineurs, vous en trouvez des traces dès le 19e siècle. Et la question de la nationalisation, elle est posée clairement dès la fin du 19e siècle. Elle peut être d'autant mieux posée que, théoriquement, ça c'est un héritage de la monarchie, le sous-sol appartient à l'État, qui le concède, à qui le loue définitivement à des compagnies privées, mais l'un des héritages de la monarchie absolue, c'est que l'ensemble du sous-sol appartient de facto à l'État. Donc très vite, en fait, les mineurs, par exemple, c'est un discours qui s'affermit complètement au moment de catastrophes comme celle de Courrières, en 1906, disent, on voit bien que les compagnies s'occupent mal et de leurs salariés et de l'exploitation du charbon, et donc il serait légitime que l'État leur retire les concessions qu'il leur a accordées et reprenne possession de l'ensemble du sous-sol et gère lui-même les ressources énergétiques. Derrière ça, il y a aussi une idée très sociale, c'est-à-dire l'idée que la nationalisation, justement, mettra fin à l'emprise paternaliste des compagnies, mettra fin à l'arbitraire, mettra fin aux différences entre les catégories, mettra fin à plein de choses. Il y a l'idée que la nationalisation pourra régler tous les problèmes. Sauf que c'est pas ce qu'ont en tête les dirigeants de l'entreprise nationalisée, qui voient plutôt dans la nationalisation un moyen de moderniser la production. C'est certainement pas ce qu'a en tête l'État gaulien, qui n'est pas du tout dans l'idée d'une autogestion ouvrière. Et au fond, il y a un profond malentendu dans cette nationalisation qui se dénoue d'une certaine manière lors des grèves de 1947-1948. Donc qui sont des grèves des mineurs contre la direction de l'entreprise nationalisée, donc des grèves des mineurs contre l'État patron, qui se termine extrêmement mal et qui va laisser une désillusion, une amertume profonde. Parce que ce que disent les mineurs au début des années 50, c'est qu'au fond, rien n'a vraiment changé. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Ils ont quand même obtenu le statut du mineur. Mais en matière de gestion des salaires, en matière de gestion des risques, en matière justement de politique sociale et de paternalisme, pour finir, le changement leur apparaît pas évident. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 pages d'index. Donc avec les mots-clés, surveillance, boisson... Richard Berthollet. Fosse, syndicat. Réalisateur. Ensuite, on arrive sur une page qui dit « Règles générales ». Organisation et attribution générale du service de surveillance. Droits et devoirs généraux des gardes. L'entreprise nationalisée, contrairement à ce qu'on avait pu espérer, commandement. Non seulement n'abolit pas un certain nombre de systèmes disciplinaires, mais les renforce. Exécution du service. C'est le cas, par exemple, des gardes des mines. Administration. Donc d'une police privée qui existait déjà au temps des compagnies. Répression, renseignement. Dont on aurait pu penser qu'avec la nationalisation, elle serait abolie. Exécution du service. Au nom de quoi une entreprise nationalisée perception du numéraire. Pouvait-elle maintenir une police privée, mais qui est relancée en 1949, gestion intérieure du service de surveillance. Dans le Nord, ça s'appelle service de surveillance du bassin, avec une fonction à la fois de garde champêtre ou de police de proximité. Et c'est eux qui assurent l'ordre dans les cités minières, évidemment, puisque de toute façon, c'est des espaces privés. Donc, et surtout de surveillance politique. HBNPC, groupe des nains liétards, fosse numéro 2, secteur sud. Le 14 juin 1952. Rapport du garde de la. À 5h30, au lavabo de la fosse 2. À 5h30, au lavabo de la fosse 2, Gilbert H. du poste du matin a pris la parole. Invité à cesser sa harangue, cet homme m'a dit en avoir le droit en vertu des dispositions de l'article 28 du statut du mineur. Puis il a continué. Au cours de son discours, il a remercié les ouvriers qui ont répondu à son appel de la veille. Revenir à l'accrochage à 12h40 pour protester contre le licenciement de deux ouvriers. Jusqu'au milieu des années 50, il y a une espèce d'obsession anticommuniste qui est partout. Après, elle va se focaliser sur certaines catégories de migrants. Et par exemple, sur les migrants algériens pendant la guerre d'Algérie. Et au moment des années 68, elle va se focaliser sur ce que les membres du SSP appellent les gauchistes, c'est-à-dire la petite poignée d'étudiants d'extrême gauche des années 68 qui rêvent d'Étienne Lantier et de Germinal et qui tentent de refaire la révolution à partir des mines. Bon, ils ne représentent un danger absolument pour personne, mais c'est une manière de dire que jusque très tard, dans le XXe siècle, là je ne parle pas des années 1920, je parle des années 60-70, ce type de système va perdurer. Aucun rassemblement ne s'est produit autour de Gilbert H. et il n'y a pas eu d'incident. Identité. Gilbert H., 32 ans, demeurant à Rouvroy-sous-Lens, boulevard Fosse numéro 2. marié, 3 enfants, ouvrier de la fosse 2. Monsieur Ventier Augustin, avec un W. Ouais. Non, bien foncé. Et je suis né le 15-6-36, c'est-à-dire bientôt 87 ans. Ça paraît jeune, hein? Ouais. J'ai travaillé 39 ans dans les mines, pour les mines. J'ai commencé comme galibot. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. J'ai commencé un peu plus tard. Les copains ont commencé à 14 ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans une taille ouvrière. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans plusieurs chantiers. J'ai passé un examen pour être agent de maîtrise. Qu'est-ce que c'est alors, agent de maîtrise ? Agent de maîtrise, c'est comme un contremaître dans une usine. On est chef. Et j'ai été chef pendant 16 ans. Quand on a fermé Notre-Dame et Oisy en 78, il me restait 8 ans à faire, je les ai finis comme garde. On était assermentés, hein. On a passé au tribunal pour être assermentés, non. On avait un genre de rôle de... Enfin, pas si important quand même, mais on avait quand même un rôle de police, si vous voulez, de police de ville. Je m'occupais des cités, il fallait surveiller que tout allait bien, que personne ne fait des cabanes n'importe où, comme il s'est passé chez nous. Ici, il y avait même jusqu'à des baudets, des ânes. Dans les jardins, alors vous voyez le topo. On n'avait pas le droit d'avoir des poules, on n'avait pas le droit de faire des cabanes pour avoir des poules et tout ce qui s'ensuit. C'était interdit tout ça. Faire des vérandas dehors, c'était interdit. Il fallait au moins faire la demande à Anish, au grand bureau. Donc on patrouillait dans les cités, en mobilette, on regardait les trottoirs, on regardait les ruisseaux, on faisait le tour d'arrière. On allait dans les bois, on allait partout, tout ce qui était propriété des houillères, tout était surveillé. Ensuite, notre rôle était de toucher les loyers dans les maisons. Il y avait des hébergements, des enfants qui habitaient avec leurs parents. Tous les mois, ces loyers, on était avec le chef de brigade et on les répertoriait sur des rapports et on déposait tout cet argent à Anish. C'était pas si simple que ça, et on avait quand même du travail. Hein. Du coup, vous étiez un peu au courant de tout ce qui se passait dans le voisinage. Oui, on connaissait même beaucoup de monde, parce qu'on voyageait. Et puis, à l'occasion, c'était en grande partie des ouvriers qu'on avait connus au fond de la mine. Donc, alors, ça va, Arthur ? Oui, moi, ça va. Et alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? J'ai rien fait du tout. Si, j'ai fait un petit peu le jardin au matin, vous voyez comment que ça se passait. Je rentre 2 minutes, on va boire un petit coup. J'insistais pas trop, parce que il y aurait plus d'une fois, je serais revenu un petit peu pompette, mais là, non, j'abusais jamais. Voilà. Et la maison des gardes, elles étaient où ? La maison des gardes, les gardes habitaient également dans les cités. Hein. Oui, Ben Benek. Individuellement, ils habitaient dans les cités. Ensuite, ils avaient un local à la fosse. Quoi. Il fallait pas trop être voisin d'un garde ou les gardes étaient sympas ? Vous avez des bons souvenirs, vous ? Ça dépend des gardes. Il y en avait qui étaient sympas, mais d'autres beaucoup moins. Bon, ce qu'il fallait faire attention avec les gardes, c'était quand on remontait du fond, on n'avait pas le droit de remonter avec ce qu'on appelait des galettes. Des galettes, c'était des morceaux de charbon, parce qu'on le mettait dans les cuisinières, quoi. Oh, ça brûlait très bien, ça. C'était pas du charbon, c'est pas du flou, comme on disait. Hein. On n'avait pas le droit de remonter, ça. Mais vous fouillez ? Non, mais on avait ce qu'on appelle la musette. Quand c'était gonflé, on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Puis les gardes, ils avaient quand même une certaine autorité. C'était la police des houillères. Ils savaient ce qui se passait dans les cités, ils savaient ce qui se passait dans les corons. Et bon, après, il y a une anecdote que je vais vous raconter. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile d'avoir un logement. Et donc, il y a les mineurs qui allaient voir le garde. Ça marchait pas. Donc, de temps en temps, les mineurs envoyaient leurs femmes au garde. Alors, il y avait des gardes plus ou moins scrupuleux. Bon, qui disaient oui ou non. Il y en avait d'autres. C'était donnant-donnant. C'était donnant-donnant avec la femme. Je ne vais pas dire, je vais pas faire une généralité, mais il y a eu des cas comme ça. Et puis les gardes, je vous dis, ils connaissaient tout. Ils savaient, par exemple, quand est-ce qu'on allait faire grève. parce que bon, on se réunissait avec les syndicats ou bien quoi, quand on avait décidé de faire des grèves pour des revendications salariales ou bien quoi. Et comment ils savaient ? Ils apprenaient ça ? Ils avaient toujours des mouchards. Ils savaient ce qui se passait. Quand la reconversion a commencé, ils ont commencé à prendre du personnel remonté du fond, des anciens porions qui étaient soit un peu silicosés ou qui étaient jugés inaptes à rester au fond. Ces gens-là avaient déjà une notion de commandement. Extrait du film « Sous l'œil des houillères » de Marion Fontaine et Richard Berthollet. De mon temps, les gardes, c'était presque tous des mineurs. Avant ce rôle-là, ils revenaient aux gendarmes. C'était assez dur pour les mineurs, hein. Le moindre petit machin, c'était sanctionné. Nous autres, c'était déjà plus pareil, parce qu'on a vécu ensemble au fond. On se comprenait, hein. Tandis qu'un gendarme... Je me souviens du garde qui se nommait Monsieur Renard. Quand on le voyait passer dans le quartier, nous, on en avait plus peur qu'autre chose, quoi. Les gardes n'étaient pas n'importe qui, ce sont des gens de retour d'Indochine ou d'Algérie, hein. On habitait une cité à Libercourt en 1957. Le garde, c'est vrai, il nous astreignait un minimum de propreté alors qu'on habitait nous-mêmes dans des conditions très déplorables. On ne saurait imaginer aujourd'hui ce que nous avons vécu jusqu'à l'âge pratiquement de 20 ans. Nous, enfants, on n'avait pas du tout la même position que nos parents. Nos parents étaient dociles, je dirais. Et nous, on n'acceptait pas que le garde puisse avoir, aujourd'hui, je dirais, des intrusions dans nos familles. Il savait si on avait un nouveau meuble, si on n'avait pas un nouveau meuble, etc. Dans des familles où il y avait 5, 6, 10 enfants, 11 enfants chez nous, ben, il connaissait les prénoms de chacun. Certes, on peut dire qu'il y a une proximité, mais en même temps, nous étions en étroite surveillance, quoi. Les effectifs qu'on a pu... comptabilisés justement par des sources de documents gardés par certains gardes et qui nous ont été communiqués au moment des entretiens. Richard Berthollet. Font état de 300 gardes dans les années 80. Réalisateur. En fait, il faut rapporter ces gardes-là, donc 300 gardes sur un bassin qui est en fin de vie. En 1980, le bassin du Nord, il est déjà en train de fermer. Et il y en a encore 300. Et il a perdu plus de la moitié de ses effectifs. Donc, si on fait des calculs par proportionnalité, ils étaient probablement le double dans les années 50. Comment ils s'organisent ? Il y en a qui sont dans les bureaux, il y en a d'autres qui sont sur le terrain. Oui, voilà, il y a les gardes volants, il y a les chefs gardes, il y a les gardes qui font du renseignement avec la police, il y a des échanges avec les renseignements généraux, il y a les gardes de cité, c'est pas le bas de gamme, mais disons que c'est la première échelle. Memento à l'usage du personnel du service de surveillance. Memento, le but du Memento. Memento signifie « souviens-toi ». Le présent document n'a d'autre prétention que de satisfaire à cette définition. Memento signifie « souviens-toi ». Et d'être un aide-mémoire. Le présent document n'a d'autre prétention que de satisfaire à cette définition et d'être un aide-mémoire pour le personnel du service de surveillance. D'aucuns diront peut-être que ça avait toujours marché jusque maintenant sans Memento et que de toute façon... On ne voit pas les choses du même œil de derrière un bureau que sur le terrain. D'où travail inutile et même inefficace. En fait, toutes précautions ont été prises pour éviter cet écueil et élaborer quelque chose d'essentiellement pratique. C'est d'ailleurs la raison de sa parution tardive et encore incomplète. Il s'agit du rassemblement en un seul document de notes et directives éparses. D'une codification de ce qui se faisait jusque maintenant par routine, de l'uniformisation des méthodes pour l'ensemble du service. C'est donc un outil de travail permettant aux gardes de résoudre instantanément toutes les questions, tous les problèmes qui se posent à lui. Quand j'étais à l'unité de production de courrier, j'avais des rapports de garde, voyez. Roland Loss, ancien ingénieur et responsable charbonnage de France. Sur des clôtures brisées, sur des trous dans la chaussée, sur des prises de parole de délégués syndicaux, par exemple. Si le matin, le délégué prenait parole, le garde faisait un rapport, parce qu'il était présent et faisait un rapport. Moi, je ne voyais pas de malice, si vous voulez, au sens général du terme, dans ces rapports. C'était un rapport comme l'agent de maîtrise faisait un rapport de son poste sur le travail qui avait été effectué, vous voyez. Pour eux, il n'y a pas de problème. Hein. En fait, et même quand on a croisé des anciens responsables, qui avaient donc des ingénieurs d'un certain niveau, pour eux, ils se demandent pourquoi on leur pose des questions comme ça. Ils n'ont absolument pas l'impression d'avoir une sorte de violation de l'intimité, y compris politique, syndicale. Ils ne sont pas du tout là-dedans, quoi. Pour effectivement. Eux, ça révèle juste pour eux, c'est une bonne normal, coordination. Quoi. Voilà, c'est une bonne coordination. C'est leur boulot, quoi. Effectivement, le boulot d'un garde, c'est de garder, quoi. Il n'y a pas de problème. Et puis, c'est de rapporter. Et les gens de les cités minières, ils regrettent le temps des gardes? Oh oui. Ben, la cité, elle était plus propre, c'était mieux, hein. Ben oui, les gardes, ils passaient. Thérèse Ventier. Surveillaient, puis ils rentraient, puis ils disaient, allez, faut balayer votre ruisseau. Si. Ouais. On essayait que ça se fasse bien. Mais alors, les gardes, ils ont toujours existé. Moi, je les ai toujours connus, les gardes. C'est vrai, les enfants, quand on était jeunes, les enfants avaient un petit peu peur. On va se camoufler. Là, le garde. Pourtant, ils étaient... Ils sont pas méchants, les gardes, mais enfin, c'était comme ça, ouais. Que disent ces gardes, ces ex-gardes? Est-ce qu'ils expriment des remords à s'immiscer dans la vie privée des gens? Pour éprouver des remords, il faudrait qu'ils aient le sentiment d'avoir mal fait. Pour eux, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Alors, ils ont fait ce qu'il fallait faire, bon, d'autant que les gardes qu'on a interrogés étaient davantage les gardes des années 1970-1980. Donc à un moment où les formes de surveillance politique en réalité étaient déjà très atténuées. Donc en réalité ce qu'ils font c'est qu'ils reportent les fautes sur les anciens qui sont morts. Donc comme ça vous êtes tranquille. Ils n'éprouvent pas de remords au sens où il leur semble pas anormal que l'entreprise ait souhaité contrôler pour des questions de sécurité et autres, un certain nombre de populations. Et par ailleurs, ils se justifient beaucoup par ce rôle de police de proximité. Encore une fois, ça leur paraît pas normal. Et certains disent, et d'ailleurs on l'entend, y compris dans une partie de la population, enfin ça devient moins vrai aujourd'hui, des ex-cités minières, que, enfin, en regardant uniquement le côté de police de proximité, que ça assurait une présence qui désormais n'est plus là. Ça veut dire aussi que si vous avez un problème de poubelle, si votre voisine âgée se sent pas bien, si, etc., etc., vous avez toujours quelqu'un que vous pouvez aller voir. Donc il y a des petits arrangements aussi. Il y a des petits avantages. Et à mon avis, ce qui... je comprenais pas au début des années 2000, quand on disait qu'il y avait des problèmes de sécurité dans l'ex-bassin minier du Nord, parce que je voyais pas très bien quels étaient les problèmes d'insécurité. En réalité, il y en a pas. Mais ce qui a pu créer un sentiment d'insécurité, c'est le fait que ces populations, elles ont eu un encadrement pendant très longtemps, extrêmement, extrêmement fin. Et que les collectivités locales et l'État, qui ont remplacé, quand les mines ont fermé, c'est l'État ou les collectivités locales qui ont mis des gendarmes, qui ont géré les rues, etc. Mais sauf que l'État ni les collectivités locales ne gèrent que les anciens espaces miniers. Donc, l'idée que avant les rues étaient propres, avant les poubelles étaient ramassées, etc., etc., c'est une idéalisation totale, mais c'est des éléments qui sont présents et que reprennent les gardes. Aujourd'hui, vendredi 25 octobre 1957, à 14h15, à la remonte du premier poste par le deuxième, M. Brossard, délégué du syndicat CGT, a pris la parole sur le carreau du puits numéro 3, devant 100 à 150 ouvriers environ, et déclare à ceux-ci qu'en raison d'un désaccord existant entre les syndicats, ils ne voyaient pas la possibilité de recourir utilement à la grève. La police des houillères, elle a existé jusqu'à la fin des houillères. Jusqu'à la fin, il y a eu du renseignement. Et à la limite, les renseignements, les synthèses de renseignements des années 70 et 80, elles sont vraiment intéressantes parce que, pour le coup, elles sont extrêmement fournies, quoi, sur les mouvements gauchistes, sur les manipulations des syndicats, sur les conditions même, en fait, de désaccord entre les syndicats sur certaines réformes, sur certains points de décision que prend l'entreprise. Bon, voilà, on voit bien que ça continue d'être travaillé de l'intérieur et le système continue. Alors après, il est moins visible, il est moins militarisé, on va dire, il est moins policé dans le sens de l'habit du képi, mais il existe, il est toujours là. Et d'ailleurs, dans le film, les gardes qui ont vécu 85 et l'intrusion des mineurs marocains jusque dans les bureaux des mines s'en souviennent très bien. Là, d'ailleurs, on voit bien que le système a changé, puisque ça n'aurait pas été possible dans les années 50-60. Le système n'aurait jamais laissé rentrer des grévistes à l'intérieur des bâtiments. Voilà, les années 80, c'est la fin de l'histoire. Tout le monde sait que ça va se fermer, donc on ne fait pas de vagues. Mais oui, le système était là. Il était derrière la porte, il continuait d'écouter. Mais après, c'est un peu comme les systèmes. J'ai envie de dire que c'est un peu le problème des choses trop larges, trop grosses, trop grandes. On surveille, c'est une mécanique. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? À la fin, plus grand-chose. C'était Au fond de la mine. Les mines, une histoire du paternalisme. Avec Marion Fontaine, Auguste Ventier, Thérèse Ventier, Richard Berthollet, Bastien Cabot, Louis Bembenek, Simon Edelblut, Gilles Briand, Patrick Garcia, Diana Cooper et Judith Renorn. Synthèse des renseignements recueillis au cours du mois de mars 1984. Le 22 mars, une pétition « Manifeste pour que vive le charbon et la région » est soumise à la signature du personnel. Cette pétition recueille environ 80% de signatures. 21 janvier 1915, matricule 1981. Pouillet, Paul, conducteur. Un franc de punition pour être couché sur son convoi de charbon. 15 janvier 1915, 1147, Magne Ernest, aide-boiseur. Deux jours de mise à pied, car il a fait preuve de nonchalance à son travail après plusieurs recommandations. Sont entrés dans la salle du conseil. Extrait de film Sous l'œil des houillères de Marion Fontaine et Richard Berthollet. Lecture des textes, Yann de Monterneau. Memento, Richard Berthollet. Registre des punitions, Véronique Malfait. Cette conférence s'est déroulée dans le calme et tous les syndicalistes ont quitté les lieux à 10h55. Au cours du mois de mars, une tentative de squatterisation a été enregistrée. Elle a échoué après intervention du SSB. Le service de surveillance a constaté 45 vols. Merci à Georges Santis. 13 dégradations. Merci à Virginie Malolepsi, 4 dépôts d'ordures. Directrice des archives du Centre historique minier d'Ille-et-Loire, pour sa précieuse collaboration. 7 incendies. À Karine Sprimont. Une ivresse. Et à toute l'équipe du Centre minier d'Ille-et-Loire. Déposé par le SCE. Merci à Lina et à Ingrid Anne-Lecointe pour les archives. Le montant total du préjudice subi. À Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Francs, 84 centimes. Prise de son Frédéric Quérou et Raymond Albouy. Enregistrement Sébastien Royer. Mixage Antoine Viossa, stagiaire Clara Cavirchine. Attachée de production Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination Perrine Kervran. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.